Alors, essayez, c'est I got the blues in the FTS blues. Yeah. Yeah. Again. Again. Yeah. Yeah. On va essayer une nouvelle chanson. I've got the blues. The FTS blues. And I am a loser in the Arden blues. Booze, booze. Thermodynamique, mathématique. Et vous chantez avec moi ou pas? Résonne dans ma tête. Faudrait bien que ça s'arrête. I got the blues. Oh, I've got the blues. Blues.